Gaston-Charles Richard, Elsa, détective privée. Un vol au petit lit blanc. Chapitre 1. Aux environs de 1920, une bande de malfaiteurs que l'on désignait dans les journaux parisiens sous le nom des coupeurs d'habits avait pris avec effronterie pour théâtre de ses exploits les endroits publics les plus fréquentés, théâtre, music hall, métro, nord-sud, dancing, etc. Avec une adresse inconcevable et une légèreté de main extraordinaire, il coupait les vêtements des hommes à la hauteur de la poche à portefeuille ou à revolver, les sacs des femmes par-dessus ou par-dessous. Leurs récoltes étaient fructueuses et il ne se passait pas deux jours sans que l'on eût à enregistrer, dans tout Paris, des plaintes par douzaines. C'est ainsi qu'un soir, à l'opéra, dans la cohue du bal des Petits Lits Blancs, le plus sensationnel événement de l'année dans les chroniques de la mondanité bienfaisante, le comte de B fut soulagé de son portefeuille, lequel contenait 7 ou 8 000 francs, ce qui laissait le volet à ses insensibles, et une lettre vieille déjà de plusieurs lustres, elle datait de 20 ans, dont la disparition l'atterra. Il fit ce qu'en semblable cas avait fait nombre de ses semblables. Il publia dans les journaux la note suivante. La personne qui a trouvé, soit à l'opéra, soit aux environs, au cours du bal des Petits Lits Blancs, le portefeuille du comte de B, est instamment prié de lui faire parvenir les papiers contenus dans ce portefeuille et de garder l'argent en dédommagement de sa peine. Mais rien ne vint. 3 jours plus tard, le comte de B était chez Elsa. Chapitre 2. Secret de famille. Stanislas de B, qui, jusqu'en 1914, n'avait été qu'un très brillant sportsman, s'était révélé, pendant la guerre, un officier de haute valeur. Sa connaissance parfaite de l'anglais lui avait valu d'être attaché à plusieurs états-majors généraux britanniques. À Londres, il était chez lui. « Cher monsieur, dit Elsa, vous avez été fort imprudent en publiant la note que vous m'apportez. C'était avoué, tout net, que les papiers contenus dans le portefeuille volé avaient pour vous une valeur bien supérieure à celle de l'argent dérobé. Quels sont donc ces papiers? J'ai besoin de le savoir. » Ces papiers se réduisent à quelques cartes de visite, une pièce d'identité et à une lettre avec son enveloppe, répondit le comte. Elle date de plus de 20 ans. Et la divulgation de ce que contient la lettre en ferait un instrument de ruine pour Miss Irène M. G. La fille du lord de ce nom et de Lady Clarisse, sa femme, mort tous les deux, ne doit-elle pas épouser prochainement le fils du vicomte O. de S. ? Oui, dit tout bas le comte. Que contient donc cette lettre et de qui est-elle ? Elle est de la main de Lady Clarisse et telle que Sir Randolph W., le frère de ce Lord M.G., qu'on appelait jadis Jerry la bouteille, pourrait hériter du nom et des biens qui lui ont échappé pour aller à Miss Irène. Armé de cet autographe indiscutable, Sir Randolph W. pourrait faire rayer la fille de Lady Clarisse de sa famille et, par conséquent, la priver de l'héritage qu'elle a reçu. « Pourquoi n'avez-vous pas détruit cette lettre ?» demanda Elsa. C'était la seule que j'eusse d'elle, la seule qu'elle m'eût jamais écrite. Cette confidence, pour moi, constituait une relique telle que je ne m'en suis jamais séparée. C'était une faute, je le sais bien, mais je l'ai tant chérie. Il cacha un long moment son visage bouleversé dans ses mains, soupira, puis murmura. Jerry était, au début de son mariage, un charmant homme, distingué, élégant, bon sportsman, mais terriblement faible de caractère, et qui se laissait aller trop souvent à faire la fête. Une fête parfois un peu crapuleuse. Marié, il se tint tranquille durant 2 ans. Puis les vieilles habitudes reprirent le dessus. Il retourna à ses amis de jeunesse, malgré mes conseils, déserta son foyer, prit de plus en plus l'habitude de boire, devint une brute alcoolique, et l'alcool ne lui suffisant plus, usa de stupéfiants. À plusieurs reprises, Clarisse avait essayé de le ramener à elle, usé d'indulgence et de pardon. Elle était jeune, belle, malheureuse. J'avais pour elle une amitié pleine de pitié qui céda peu à peu la place à la tendresse. Un jour, on rapporta son mari, inerte, insensible, le crâne défoncé par un coup de gourdin, reçu dans une bagarre provoquée entre ivrognes par je ne sais plus quel motif. Il mourut 3 jours plus tard. Ai-je besoin maintenant de vous dire ce que contenait la lettre de Lady Clarisse ? Non, dit Elsa, profondément touchée. Je comprends. Je vous jure que je ferai l'impossible pour que cette lettre ne parvienne jamais à l'adresse de Miss Irène ou à celle de Sir Randolph. Qu'allez-vous faire ? Demanda le comte de B. Elsa hocha la tête et sourit. Laissez-moi agir. Filez à Paris. N'en bougez pas sans un appel de moi. Et pour l'amour de Dieu, ne faites rien, car toute action de votre part pourrait contrarier la mienne. Chapitre 3. La bonne à tout faire. 36 heures plus tard, Elsa, ayant achevé une rapide mais complète enquête personnelle, savait pertinemment que Sir Randolph, très égoïste, très rancunier, assez méchant homme, ne voyait jamais sa nièce. Qu'il vivait assez chichement, sa fortune et celle de sa femme étant minces. Qu'il ne possédait qu'une domestique, entrée depuis peu à son service. Qu'il était méfiant en diable, fort exigeant et peu généreux. Qu'il terrorisait littéralement sa femme et sa fille, menée tambour battant. Qu'Irène, fille de Lady Clarisse, élevée par la sœur de celle-ci, était très entourée, très aimée de tous. Que la moindre nicroche ferait certainement rompre tous les accords en vue de son mariage avec le fils du vicomte O de S, en raison de l'opposition primitivement manifestée par les parents du jeune homme, peu soucieux de voir entrer dans leur famille, malgré toutes ses qualités, une jeune fille dont le père avait fini sa vie d'une manière scandaleuse. Que la réputation de Lady Clarisse était restée tout à fait inattaquable. Que les deux jeunes gens s'aimaient de l'amour le plus sincère. Que le comte de B, parrain de la jeune fille, assisterait à son mariage. Que Sir Randolph refusait d'y assister. Et enfin, qu'une certaine Marine O'Dogger, bonne à tout faire et cuisinière chez Sir Randolph W, fort mécontente des observations de son maître, était toute prête à s'en aller si on lui offrait un meilleur emploi. Le surlendemain, Marine, à qui l'on avait, à point, trouvé cet emploi, ayant rendu son tablier avec éclat, Elsa se présentait pour la remplacer et devait, une heure durant, subir le plus minutieux des interrogatoires. Mais elle répondit à toutes les questions avec tant de bonne grâce, montra 3 certificats si élogieux que le méfiant gentleman consentit enfin à l'engager. Vive, à droite de ses mains, bonne cuisinière, Elsa enchanta ses nouveaux maîtres. Le service était dur, mais Sir Randolph était encore plus dur pour lui-même qu'il ne l'était envers autrui. Debout tous les jours à 5 heures du matin, il confectionnait lui-même sa première tasse de thé, faisait sa barbe et sa toilette, et à 6 heures, entrait dans son cabinet de travail où il restait seul jusqu'à 8 heures. On lui apportait alors son breakfast et son courrier, lequel était pris par Elsa dans la boîte postale entre 7h15 et 7h30. 5 jours s'écoulèrent sans que rien vînt éveiller l'attention d'Elsa. Mais le 6e jour, elle trouva dans la boîte postale une lettre timbrée de France. L'enveloppe, de papier bleuté, doublé, était de format commercial. Et au dos, une main assez lourde avait tracé ces lignes. Envoyeur, Louis-Maurice Le Tourneuf, avocat conseil, 38 bis rue Saint-Séverin, Paris 5e. Elsa la palpa, mit de l'eau chaude dans une casserole qu'elle plaça sur le réchaud à gaz, et quand la colle de l'enveloppe se fondit, exposée à la vapeur bouillante, la lettre livra ce qu'elle contenait. Elle était ainsi rédigée. « Monsieur, on vous fait savoir par la présente que vous auriez le plus grand intérêt à vous trouver à la caverne Cook's, Fleet Street, demain soir à 10 heures. Un gentleman français, rosette violette à la boutonnière, complet bleu, cravate noire, numéro du temps étalé devant lui, vous y attendra. Il s'agit de l'héritage de votre frère que vous pourrez reprendre grâce à un document incontestable. C'est très urgent. On vous demande naturellement le silence. Croyez, monsieur, etc. Elle aime le tourneuf. Elzary, toute seule, replaça la feuille dans l'enveloppe, la referma. Un coup de fer à repasser la remit dans son état primitif. Et à 8 heures, Sir Randolph, l'ayant décacheté à son tour, ne put avaler 3 bouchées de son breakfast, mais vida la théière, le pot d'eau chaude et le pot de lait. Chapitre 4. Donnant, donnant. La vieille taverne Cook's est l'un des endroits les plus connus de Londres. On y mange des huîtres, des clams américains, des moules, du poisson, des grillades. On y boit tout ce que l'on veut, depuis la demi-pinte d'ale faible à 6 pence jusqu'à l'extra dry le plus coûteux. Parmi les clients se côtoient gentlemen les boutiquiers, étrangers et provinciaux. Tout ce monde est assez mêlé, mais le ton y demeure correct le plus souvent. C'est là que, au jour et à l'heure fixé par le tourneur à Sir Randolph W., apparut vers 9h30 du soir, un jeune gentleman en smoking, la longue cape aux épaules, le claque de soie sur la tête, les cheveux légèrement en désordre et l'air éméché. Il s'écroula sur la banquette, devant une table libre, appela le sommelier à tue-tête, commanda successivement un martini cocktail, puis un pirate noir, puis une douzaine de marraines, du jambon grillé, du vin du Rhin glacé et un Welsh rarebit au fromage de parmesan, menu parfaitement désordonné d'ailleurs. Tout en mangeant et en buvant, le jouvenceau fumait. Mais à la seconde cigarette, ses huîtres avalées, son jambon à peine entamé, il s'endormit. Près de lui se trouvait un homme, en complet de cheviotte bleue, chemise bleue, cravate noire, une large rosette violette à la boutonnière, un numéro du temps ostensiblement placé sur la table. Il buvait et fumait, non sans lancer de furtifs regards vers son jeune voisin endormi. Non qu'il accordât quelque attention à son visage mat, à peine viril, ni à sa jeunesse. Mais la perle parfaite que le charmant gentleman arborait à son plastron, mais le beau solitaire, enchâssé dans du platine qu'il portait à la main droite, exerçait sur lui une espèce de fascination. N'y tenant plus, il se pencha, regarda la pierre de plus près et grommela sous sa moustache coupée à l'américaine. « Matin, il ne s'embête pas, le cadet, ça vaut 1000 livres, un diamant comme ça !» Ce fut à ce moment qu'il vit s'avancer vers lui un sévère gentleman, vêtu de noir, au visage glabre, couturé de rides, aux yeux inquiets, aux lèvres minces, qui, après s'être très légèrement incliné, demanda à mi-voix « Vous êtes le tourneuf, je pense ?»« Oui, monsieur, » dit l'homme au complet bleu en se soulevant sur la banquette. « Et vous êtes ?»« Je suis celui à qui vous avez écrit. Voici votre lettre. » « Bon, dit le tourneuf, ça va bien, asseyez-vous donc. » Sir Randolph s'assit, demanda du café et dit à mi-voix « Ne parlez-vous pas l'anglais ?»« Non, je le jargonne, mais je cause l'allemand. J'ai été 3 ans prisonnier chez les Boches. » « Parlons donc de nos affaires en allemand, dit Sir Randolph. Vous avez, dans votre lettre, parlé d'un document. » « Oui, dit le tourneuf, et un fameux. » C'est la preuve écrite que votre nièce, Miss Irène, pas de nom, dit vivement Sir Randolph. De qui est cette lettre? De votre belle-sœur. Adressée à qui? Au comte de B, avenue Carnot, à Paris. Et que dit-elle, cette lettre? Est-elle écrite en anglais ou en français? Elle est écrite en français et même sans une faute, à croire que c'est une Française qui l'a écrite. Quant à ce qu'elle dit, ma cache, je vous le dirai plus tard. Plaît-il? Je dis que je ne suis pas un crapaud tombé de la dernière pluie. À vous maintenant, monsieur. Vous savez ce que j'ai comme atout maître dans votre partie. Alors, à votre tour, abattez. » « Je ne comprends rien à ce que vous dites, » dit Sir Randolph. Il ne comprenait que fort mal son interlocuteur, lequel avait, chez les Boches, appris l'allemand argotique des bas-faubourgs de Berlin ou de Hambourg, mais non pas la langue de Goethe. « Eh bien quoi, dites vos conditions pour acheter le papelard, » dit enfin le Tourneuf. « Si la lettre vaut ce que vous dites, je vous donnerai 100 livres. » Le Tourneuf se mit à rire. « 100 livres, dit-il, pour une lettre qui vous rapporterait peut-être 500 000 livres, le titre, le château. Non, mais des fois, vous ne m'avez pas regardé. Que voulez-vous donc ? 10%, grosso modo, au moins 50 000 livres. Vous êtes fou, je pense. Et par bonne liasse de banknotes, pas de traite, pas de chèque. En billets de la Banque de France ou en livres sterling, je m'en moque. » Mais pas un souverain de moins. Est-ce oui ? Mais enfin, je voudrais savoir, oui ou non ? Oui, si la lettre donne les résultats que vous dites. Ça va, on va vous donner connaissance du texte. » Il prit, dans un portefeuille de gros cuir très fatigué, une feuille de papier, la déplia, la tendit à son interlocuteur. « Ça, c'est la copie, dit-il, que j'en ai faite. L'original est en lieu sûr. » Sir Randolph Courbet, le lorgnon sur le nez, dévora les lignes écrites et se redressa, le rouge au visage. « C'est inimaginable, dit-il. Clarisse a écrit cela ?»« Oui, et il manque 3 mots, soulignés, qui sont le résumé de la lettre et la preuve formelle que le comte de B est un peu plus que le parrain de votre nièce. Quand pourrez-vous me donner cette lettre ? Quand pourrez-vous me donner l'argent ? Je ne pourrai pas réunir en quelques jours une telle somme, vous le pensez bien. Mais je vous donnerai 5 000 livres tout de suite quand vous me communiquerez l'original. Et une garantie, en valeur de premier ordre, de 5 000 autres livres quand nous aurons été, ensemble, la communiquer à qui de droit. Ça va. Et pour le reste ? On s'arrangera, dit Sir Randolph. Pouvez-vous me laisser en main la copie de cette lettre ? L'homme hésita. À ce moment précis, le jeune gentleman qui ronflait sur la banquette s'écroula tout à fait et tomba tout avachi sur lui. « Ben, dit le Tourneuf, il est un peu parti, le cadet. » Il empoigna, le redressa, sentit sous ses doigts un portefeuille bien garni. « Laissez donc ce jeune ivrogne, dit Sir Randolph avec une grimace de dégoût, et répondez-moi, voulez-vous me donner la copie de la lettre tout de suite ?» « Non, dit l'homme, quand vous m'aurez apporté les 5 000 livres, je vous montrerai l'original et je vous en donnerai une copie. »« Où ? Voulez-vous venir chez moi ?»« Non, ici. Quel jour ?»« Dans 3 jours, dit Sir Randolph. »« Bon, mais pas de traîtrise, hein ? Pas de police, pas de manigance. »« Je vous ai donné ma parole d'honneur. Cela suffit, je pense, » dit Sir Randolph avec roideur. Il se leva et, sans saluer le Tourneuf, dit sèchement « Jeudi, ici, à 10 heures. » Puis il s'en alla. Le jeune homme éméché, comme s'il n'attendait que cet instant pour s'éveiller, eut un clignement d'yeux, se redressa, voulut se lever, chancela et se rattrapa à l'épaule de son voisin. « Dites donc, mon garçon, » fit le Tourneuf en l'asseyant sur la banquette, « vous n'avez pas l'air solide sur vos jambes. Pas solide, répéta drôlement le jouvenceau. Pas solide. Excuse me, sir. Vous êtes un freshman, n'est-ce pas ? Oui, dit le Tourneuf en riant. J'aime. Écoutez-moi, sir. Si vous êtes, un vrai gentleman français, « Aidez-moi à rentrer chez ma maman. »« Est-ce loin ?»« Non, tout près d'ici. Je veux rentrer avant elle, à la maison. Elle joue le bridge, vous savez, Et elle, oui, yes, sir, rentrera demain matin. Alors moi, je, déteste les cartes et mon mari est parti à Rangoon. Votre mari ? Fit le tourneur stupéfait. Yes, my dear, je suis, une dame, une dame. Voulu m'amuser et j'ai, s'il vous plaît, 172 bis Fleet Street, non, Cannon Street, appelez le maître d'hôtel pour payer. Le tourneuf appela le maître d'hôtel et le faux jeune homme, en bredouillant, paya sa dépense, laissant entrevoir un portefeuille bourré de grosses banknotes. L'avocat Conseil souriait. L'aventure était comique et le hasard, sous les traits de cette sympathique et jeune évaporée, lui envoyait une proie facile. La perle, le solitaire, une autre bague à rubis cabochon, le portefeuille, constituaient un gain immédiat dont s'emparer ne serait qu'un jeu d'enfant. « Oh, gentleman, aidez-moi passer mon cap !» fit la jeune femme. « Et mon gibus !» En riant, le tourneuf obéit. Quelques instants plus tard, le couple singulier était dans la rue et le tourneuf appelait un taxi. Un quart d'heure ne s'était pas écoulé qu'il aidait sa compagne, de plus en plus bredouillante et chancelante, à ouvrir la porte de son appartement. Dans l'ascenseur, il lui avait, en douceur, subtilisé son portefeuille, assuré, s'il y avait là-haut quelques témoins gênants, de n'avoir pas, en tout cas, tout à fait perdu son temps. Mais non, l'appartement était vide. Et l'enfant étourdi, il allait être facile de s'emparer du diamant, du rubis et de la perle. Chapitre 5. Prise au piège. Ils entrèrent ensemble dans un salon assez vaste. La jeune femme, d'une main tâtonnante, fit s'illuminer, en tournant un commutateur, une grande coupe de pâte de verre suspendue au plafond. Alors la scène changea subitement. Six hommes, six colosses, apparurent, chacun tenant un Browning. Et Elsa, partie la fausse ivresse, un revolver au poing, disait à son compagnon sidéré « Vous savez travailler, camarade, moi aussi. Maintenant, coûte que coûte, vous allez nous dire où est la lettre de Lady Clarisse. » « Ah, danégueuse !» gronda le tourneuf. « Pas d'injure, vous êtes pris, mon cher. Maintenant, il faut parler, et sans réticence. Je préfère vous prévenir que mes amis et moi, nous n'admettrons pas que vous vous taisiez et que nous avons ici de quoi vous faire avouer que vous avez mangé tout vif le cœur de votre mère. « Tout de même, vous n'allez pas me torturer ?» dit le tourneuf livide. « Pourquoi pas, si la chose est nécessaire ?» dit froidement Elsa. « Nous avons, dans une pièce à côté, une table d'opération et un spécialiste chinois très expert. Il tirerait des aveux à une pierre. » Tout cela était, du reste, parfaitement faux. « Alors, voulez-vous parler gentiment ? Si oui, il y aura pour vous une honnête récompense. 100 livres, peut-être. » « Bon sang !» grommela le tourneuf. « Être fait comme ça, et par une femme encore, ça me dépasse !»« Allons, décidez-vous !» dit Elsa. « Eh bien, la lettre, la voilà !» dit l'homme en jetant son portefeuille sur la table. « Et voilà votre argent. Je suis pris, inutile de crâner. Ça va, je vais me mettre à table. Que voulez-vous savoir ?»« Tout !» dit Elsa. Et l'homme parla. « La lettre, ce n'est pas moi qui l'ai barbotée au comte de B, dit-il. Elle m'a été apportée par un coupeur. C'est un type, il n'y a pas plus adroit. Il vous taille une poche et vous la vide en un rien. Il dit qu'il s'appelle Albert. Je ne connais pas son autre nom, celui de sa famille. Pour son business, il est malin. Seulement, pour le reste, pas de crâne, il est, comme on dit, bas de plafond. Vous comprenez, tout à fait bête. » Alors, quand il trouve des papiers dans les portefeuilles qu'il soulève, il ne sait pas quoi en faire. Le plus souvent, il me les apporte pour voir si on ne peut pas en tirer parti. C'est comme ça qu'il m'a apporté la lettre de la lady. « Bien, dit Elsa, mais ce n'est pas lui qui vous a révélé que Sir Randolph était le beau-frère de la morte. »« Vous n'avez qu'à lire la lettre, dit le tourneuf grognon. La dame y parle de lui et comment ? Découvrir son adresse, ce n'était plus qu'un jeu. Mais comment votre Cooper a-t-il pu dérober son portefeuille au comte de B ? Le tourneuf haussa les épaules et dit d'un ton méprisant « Ça, c'est l'enfance de l'art. On prend un bouchon, on le fend, de façon à pouvoir entrer dans la fente presque toute une lame de rasoir mécanique. On laisse un côté tranchant dépasser de 2 ou 3 millimètres. L'étoffe la plus cossue, même une pelisse fourrée à l'intérieur, ne mesure pas 3 millimètres d'épaisseur. Avec ce petit truc-là, sans risquer de se blesser ou de blesser la personne, on coupe à fond étoffe et doublure. Il n'y a plus qu'à passer la main dans l'ouverture et à cueillir ce qu'on trouve. Des fois, c'est rien, des fois, c'est du fameux. Cette fois-ci, c'était trop beau. Mais sans vous, ça y était. Lisez la lettre. Non, dit sèchement Elsa. Vous avez tort, il faut toujours s'instruire. Maintenant, laissez-moi vous dire encore une chose. Je n'ai compris toute l'importance du papier que le jour où, dans les petites affiches, aux objets perdus ou volés, j'ai lu l'annonce du comte. C'est ça qui m'a décidé à écrire à Sir Randolph. À présent, vérifiez la chose. La lettre est là, dans une double enveloppe en parchemin et dans l'enveloppe d'envoi. Elsa vérifia, puis dit « Je vais téléphoner au comte tout à l'heure pour l'informer de tout cela. Je dois donc vous garder ici pendant 2 ou 3 jours, 4 au plus, pour pouvoir contrôler vos dires. » Si vous avez menti, vous serez livré à la justice anglaise sous l'accusation de tentative de chantage. Je serai témoin. Si vous avez omis de dire la vérité, il est temps encore d'avouer tout. Sinon, conduit au dépôt, puis de là, au tribunal des flagrants délits, vous ne vous en tirerez pas à moins de 2 ans de travaux forcés. Ça, non, pas de blague, protesta l'homme. J'ai dit la vérité. « La lettre est la bonne, je le jure, et pas un faux. »« Seulement, dites, ça vaudra bien 100 livres de plus. » Chapitre 6. Le surlendemain, à 3 heures de l'après-midi, le comte se présentait chez Elsa. Il était très ému. « Madame, dit-il d'une voix qui tremblait, se peut-il que vous ayez réussi ?» En silence, la jeune femme lui tendit la lettre de Lady Clarisse. « Ah, Dieu soit loué, dit-il, et personne ne l'a vue ?»« Je dois vous avouer que Sir Randolph en a lu le texte, incomplet, sur une copie, mais que cette copie, l'unique, faite à la main, est en ma possession. » Miss Irène ne soupçonnera jamais que son bonheur n'a tenu qu'à un fil. « Mais si vous m'en croyez, monsieur, brûlez cette relique, si sacrée qu'elle soit pour vous, car Sir Randolph est sur la trace de cette lettre et, une autre fois, nous ne serions peut-être pas si heureux. »« Oui, dit le comte en baissant la tête. Que ne vous devrais-je pas, madame ?»« Vous me devez 200 livres, dit Elsa. 100 pour mes frais, 100 pour le gredin, à qui j'ai promis l'impunité et une indemnité, s'il me donnait très vite la lettre originale. Il me l'a donnée loyalement avec la copie. Un de mes hommes l'embarqua Douvres en ce moment. Et je crois que nous avons brisé les dents dans la gueule du lion, comme le dit l'écriture. Brûlez cette lettre, monsieur. » Elle désignait, tout en parlant, le feu de bois qui flambait dans sa cheminée. Brûlez-la vous-même, dit le comte. Moi, « je n'en aurai pas le courage. »« Donnez-la-moi, dit Elsa. » Il la lui tendit d'une main tremblante. 6 semaines plus tard avait lieu le mariage de Sir O de S avec Miss Irène. Toute la pairie d'Angleterre était là et, devant le chapelain, le vicomte Lascelles et Lord Grey, ancien chancelier de l'échiquier, représentait tout ce que vénère le plus l'Angleterre, la monarchie et l'État. Quant à Sir Randolph, il avait fallu l'interner, le malheureux homme. Il avait commencé d'introduire auprès du roi une action en restitution de titres et d'héritage, mais sans avoir pu fournir le plus mince document à l'appui de ses dires. À la suite de la visite de l'avocat royal et d'un solliciteur, qui, devant la carence des preuves qu'il affirmait posséder, lui avait fait de sévères remontrances et dit qu'il risquait de se voir reconventionnellement traduit en justice pour injures graves, dénonciation calomnieuse et prévention d'actions dolosives, cet homme, dans une crise de fureur folle, avait brisé la moitié de son mobilier et quasi assommé sa femme avec un pied de chaise. Fin de Un vol au petit lit blanc.